Bonjour Anaïs Kier. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors vous aussi, vous avez parcouru le dernier numéro de l'Histoire et vous vous êtes arrêté sur un article d'actualité, Les 10 morts du cinéma d'Antoine Debac. Le cinéma n'est vivant qu'à condition de penser sa mort prochaine. C'est l'affirmation d'Antoine Debac dans la rubrique sortie du magazine L'Histoire. Alors que la panique se fait chaque jour plus grande au sein de l'industrie parmi les artistes qui le font et pour les cinéphiles épris des salles obscures, et après déjà 4 mois de fermeture, l'historien se veut pourtant rassurant. Le cinéma se renouvelle au gré des crises qu'il traverse depuis son invention, déjà mort 10 fois, il est pourtant toujours bien là malgré les portes closes. Mais peut-être te préférer au cinéma, je vais voir le jeune premier qui me plaît. Et quand l'histoire finit bien, j'y retourne le lendemain. En 1897, l'inventeur du cinéma, Louis Lumière, doutait de la pérennité de sa création, dont le succès ne devait probablement durer qu'une ou deux saisons avant de disparaître comme toutes les modes vouées à l'obsolescence. Plus de 120 ans plus tard, c'est plutôt la saturation de l'offre qui nous guette, tels des enfants paralysés par une avalanche de cadeaux à Noël qui les plonge dans l'angoisse du trop-plein. L'art cinématographique n'a pas disparu, il a muté et a étendu son attraction à l'échelle planétaire. D'abord muet, accompagné d'orchestres et de bruiteurs dans les salles où l'on vivait autant que l'on regardait l'écran, le cinéma s'est cru perdu à chaque avancée technologique. La VHS, le DVD et le Blu-ray allaient condamner les salles, mais avant eux, c'est le parlant qui a mis en crise un art qui se pensait à son apogée à la fin des années 20. Le cinéma parlait seul et se regardait seul, agi par les magnétoscopes et les lecteurs qui permettaient de se faire son propre cinéma chez soi. C'est l'expérience collective de la séance de cinéma qui perd du terrain. Alors qu'on s'y retrouvait pour relâcher la pression du premier rendez-vous, dans ce lieu si particulier où l'expérience intime et collective ont tout autant droit de citer, que l'on se rendait dans les salles pour profiter du chauffage et des actualités plus ou moins fiables au cours des 2 guerres mondiales, le cinéma se regarde en ce moment sur canapé. Mais le recul du grand écran n'aura pas raison de la création cinématographique qui a franchi jusque-là les doutes que lui imposait l'histoire. Accusé de brutaliser les spectateurs en leur offrant toute la violence des combats au moment de la Première Guerre mondiale, le cinéma a fait débat sur sa responsabilité. Une esthétisation du pire qui avait ses adeptes et ses détracteurs, mais un débat qui n'a pas empêché une révolution esthétique. Le cinéma sait être de son temps dans ses propositions et ses usages. La propagande en a fait une arme redoutable pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a encore une fois survécu à son déshonneur. Pour Antoine Debec, la mort du cinéma est une obsession depuis son apparition. Ce n'est pas seulement un discours à la mode ou un piège mélancolique dans lequel se précipitent les cinéphiles qui se sentent vieillir, c'est un moteur de sa propre transformation. Une inquiétude lancinante et existentielle, porteuse de la vitalité du 7e art. Une nouvelle ère s'invente alors peut-être en ce moment même avec la fièvre de l'agonisant, alors que la guerre bat son plein à coups d'offres pléthoriques, des dizaines de plateformes qui produisent des nouveautés à petits ou à grands frais tout en piochant dans les catalogues du patrimoine. De tout ça pourrait naître un nouvel âge du cinéma.